j'aurais, même si je n'en ai pas le temps, aimé faire de ce sujet un roman. Tout du moins un album, car je m'égare en écrivant. J'aurais alors mérité ces mots doux, ces mots chantants, ces mots dont l'intention me font rougir de bonheur. Ces mots qui des miens font l'éloge et honneur. Ces mots qui dans notre histoire me font garder espoir. Ces mots qui dans leur absence me font broyer du noir. Au travers de ses yeux découverts, au chant qu'elle entonne à mon égard, plus que des mots qui résonnent, son regard, mamie, ma muse, la femme de pierre, la femme de pierre, la femme de pierre, la femme de pierre. Des mots liés au cœur, parfois elle chante pas. À mon oreille pour la séduire, je crois qu'elle chante pas. Seulement quand elle n'a plus de voix, parce que son entrée en scène change la donne. Moi qui m'étais juré d'arrêter après le prochain album, à quel texte plus que l'amour, je m'adonne. Mon influence pop sur elle ne sera sûrement pas bonne. Sa jeunesse devrait être fière, même s'il est dur de toujours garder le sourire. Qui de sa musique et sa vie est une fille entière. C'est pour ça qu'en secret je l'admire. Avec toi et content, femme de pierre, je te suis reconnaissant.